J'approche de la cinquantaine. Quand je me regarde dans la glace, je me dis, encore une dizaine d'années et ce sera la vieillesse, mon garçon. Je vis seul, mais j'ai de bons voisins. Naturellement, quand la solitude me pèse un peu, je me parle à moi-même ou à mes bêtes, en particulier à mon chien. Médor et moi, nous nous parlons l'un à l'autre et nous nous comprenons. Je suis convaincu qu'un homme et une bête peuvent se comprendre. Dans tous les cas, il ne fait aucun doute que les bêtes se comprennent. Elles se parlent, elles s'appellent, comme le font des êtres humains. Comme des êtres humains, elles se battent, elles se font la cour. Ma ferme se trouve à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand. J'y vais tous les samedis pour porter de la volaille et des légumes au marché. En ce moment, les légumes se vendent pour presque rien. Mais ça m'est égal. Je vais quand même au marché. Ça me fait sortir. J'oubliais de vous dire le nom de ma ferme. Elle s'appelle Plein Champ.